بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc aujourd'hui on continue les dourous de fiqh. On a été arrivé au chapitre Bab al-Ghusl min al-Janaba. Bab al-Ghusl min al-Janaba. Le chapitre donc du ghusl, le bain rituel. Le bain rituel. Min al-Janaba. Al-Janaba, c'est l'état d'impureté rituelle. Et on va voir qu'est-ce qui rend obligatoire le ghusl. Mujibat al-Ghusl, ça va être le premier chapitre. D'abord, al-Asl fi al-Ghusl qawlihi ta'ala. Al-Aslu fi al-Ghusl qawlihi ta'ala. وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا. Allah Azza wa Jal, il a dit dans surat Al-Ma'idah, le verset 6, et lorsque vous êtes en état de janaba, وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا, purifiez-vous. En état d'impureté majeure, purifiez-vous. En surat 5, le verset 6. مُوجِبَاتِ الْغُسْلِ. Alors, on explique dans ces durus, on explique le livre résumé, le Mukhtasar, de l'imam ibn Qudama rahimahullah, qui s'appelle Umdat al-Fiqh. Et on prend de notre Mukhtasar ici pour prendre Mujibat al-Ghusl, parce que lui il a cité parmi les choses qui rendent obligatoire le ghusl seulement deux choses. D'accord? Alors qu'on voit par exemple qu'un auteur comme Shawkani, dans son résumé, livre résumé de fiqh qui s'appelle Durar al-Bahiyya, il a cité six choses. Donc je cite ces six choses qui rendent obligatoire le ghusl, et après on va les citer avec leur adillah, avec leurs preuves. Certaines paroles de ulama. قال الشوكاني في درر البهية في المسائل الفقهية يجب أولا بخروج المني بالشهوة ولو بالتفكر. Donc الشوكاني dit, il est obligatoire le ghusl lorsque le sperme sort avec un plaisir ressenti, بالشهوة, en opposition à la maladie, on va le voir. Donc lorsque le sperme sort avec un plaisir ou avec une sensation, ou alors bitafakkur, même par la pensée. D'ailleurs, c'est pas seulement l'acte en lui-même. Aussi, la personne y pense à quelque chose, le sperme finit par sortir, la personne, il est obligatoire de lui faire, de faire al-ghusl. D'accord? Thaniyan, wa biltiqa al-khitanayn. Vous l'avez, la première? La deuxième, lorsque les deux circoncisions se rassemblent. C'est comme ça que c'est venu dans le hadith. Ici, ça veut dire la pénétration. C'est-à-dire la pénétration du sexe de l'homme dans le sexe de la femme, ça rend obligatoire le ghusl. On va le voir, même s'il n'y a pas d'éjaculation. La pénétration seule rend obligatoire le ghusl. Thalithan, wa binqita' al-haydi wa an-nifasi. Troisièmement, lorsque les menstrues de la femme s'arrêtent, ou le nifas, les loki, c'est-à-dire le sang qui coule après l'accouchement. Lorsque ces deux sangs s'arrêtent, la femme, il lui devient obligatoire de faire al-ghusl, pour pouvoir faire la salat, avoir des rapports avec son mari, etc., etc. Rabi'an, wa bil ihtilam ma'a wujud balal. Quatrièmement, lorsque la personne a un ihtilam, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler un rêve avec une femme, quoi, sexuelle, ouais, on va dire un rêve sexuel, quoi, hein? Lorsqu'il a, voilà, une sortie de sperme dans le sommeil, ou qui se rappelle un rêve, on va voir les détails de ça, lorsqu'il a un rêve sexuel, ma'oujou dit belel, avec, et qu'il ressent une humidité quand il se lève. Ma'oujou dit belel. Parce que si la personne, il a un rêve érotique, mais que rien ne sort, il n'est pas obligatoire pour lui de faire un ghusl. Khamisan wa bil mauti. Cinquièmement, la mort. Ici, bien sûr, comme il le dira le Shawkani, on ne parle pas du mort en tant que tel, mais plutôt des musulmans. Lorsque la personne meurt, c'est une obligation pour les musulmans de le laver. On va le voir plus en détail, Inch'Allah. On va juste voir le dalil, une parole de règlement. Et ça, on le voit plus en détail dans le dernier chapitre, après le livre de la Salat, c'est-à-dire Ahkam al-Janaiz, les règles des funérailles. Sadisan, Wabil Islami, le sixième et le dernier, ici, Wabil Islam, lorsque la personne rentre dans l'islam. La personne rentre dans l'islam. Je répète. Premièrement, lorsque le sperme sort avec envie, ne serait-ce que par la pensée. Deuxièmement, la pénétration. Troisièmement, l'arrêt des menstrues ou du nifes, des loki, je crois qu'on appelle ça en français. Quatrièmement, le rêve sexuel avec une présence d'humidité. Cinquièmement, la mort. Sixièmement, l'entrée dans l'islam. On détaille maintenant, inshallah. Le premier, خروج المني بشهوة ولو بتفكر. Le fait que le sperme sorte. La preuve de cela, il y a de nombreuses preuves de cela. On va le voir, on va citer Sunna et on va citer Al-Ijma'. عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء فقالت أم سلمة وتحتلم المرأة فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها متفق عليه. Ici ce hadith, on va pas l'expliquer en détail, mais Umm Salam rapporte que Umm Sulaym est venue au prophète et lui a dit: ô messager d'Allah, Allah n'a pas honte de la vérité. Et ça, c'est comme une introduction qu'elle a fait. Elle avait une question qui pourrait être, qui pourrait susciter de la pudeur chez la personne. La première chose qu'elle a dit, c'est quoi? Inna Allah la yastahi min al-haq. D'accord? Contrairement à ce que disent les ignorants, la haya fi din. La parole des ignorants, c'est quoi? La haya fi din. Ils disent ça. Waliyadu billah. Alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wal haya'u shu'batu min al-iman. Les ignorants disent quoi? Parmi les gens du commun, la haya fi din. Il n'y a pas de pudeur en religion. C'est faux, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, al haya shu'batun min shu'ab al iman. Ou comme qala sallallahu alayhi wa sallam. La pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Non, ce qu'il faut dire, c'est ce qu'elle a dit au Musulaim ici. Inna Allah la yastahi min al haq. Allah n'a pas honte de la vérité. C'est-à-dire, il y a des choses que les gens, ils peuvent avoir de la pudeur à les dire ou quoi que ce soit. Mais si t'en as besoin pour un but religieux, tu dois le demander. Comment elle va faire là? Qu'est-ce qu'elle dit ensuite? Elle dit, est-ce que la femme doit faire le ghusl, doit se laver, si elle a un rêve sexuel? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, oui, si elle voit de l'eau. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui sort. D'accord? Donc là, ça prouve que quoi? Que la femme a de l'eau. C'est-à-dire, elle a un liquide. Tout comme le sperme de l'homme, la femme, elle a un liquide. Et d'ailleurs, Umm Sulaima, elle demande, à ce moment-là, elle dit, wa tahtalimul mar'a, est-ce que la femme a des rêves sexuels? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lui répond, fabima yushbihuha waladuha. Comment son enfant pourrait lui ressembler? Ça veut dire que quoi? La ressemblance de l'enfant, elle est liée à quoi? Elle est liée à, d'un côté, le sperme de l'homme, ou de l'autre, l'eau de la femme. Lorsque l'un des deux prend le dessus, l'enfant, il ressemble plus à l'un des deux parents. D'accord? Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, il est général pour les hommes et les femmes. Ici, c'est une femme qui a posé la question. C'est pareil pour les hommes. Lorsque l'homme, si on se demande si l'homme il fait le rousse lorsqu'il a un rêve sexuel, là on lui répond comme il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am idha ra'at al-ma. Na'am idha ra'a al-ma. Oui, s'il voit de l'eau. Le numéro. Tu l'as? C'est pas, non. Ce hadith il est dans Boulogh al-Maram, pour ceux qui ont Boulogh al-Maram. C'est bon. Et dans le Bukhari ou Muslim, j'ai pas le numéro, là je vous le donnerai, inshallah. قال ابن رسلان parmi les savants des anciens, puisque c'est cité dans Nail Autar de Shawkani à le volume 1 la page 242, il dit اجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني. Il dit quoi? Les musulmans sont unanimes, c'est le troisième dalil qu'on a parlé tout le temps, on en parle et on essaye à chaque fois, comme l'ont conseillé certains mashaykhs, certains ulama, de chercher les masa'il al-ijma', de chercher les questions sur lesquelles les ulama sont unanimes. Comme ça, la personne ne vient pas avec un khilaf. Eh bien, tu dis non, mais à certains... Non, tu dis non. Sur cette question, il y a ijma'. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils citent les ulama, c'est cité dans l'Altar de Shawkani. Les ulama sont unanimes qu'il est une obligation de faire le ghusl à l'homme et à la femme si le sperme sort. Ou le liquide de la femme. On n'appelle pas du sperme, mais je sais pas exactement comment ça s'appelle en français. Essentiel, voilà. Lorsque cette eau épaisse sort, il faut faire le ghusl. Il y a une différence à faire qui est très importante entre al-mani, qui est le sperme, et al-madhi, ou al-madhiou. Qui est quoi? Qui est un liquide. Al-madhiou, c'est quoi? Comme il a dit Ibn Qudama al-Mughni, huwa ma'un. لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر فظاهر المذهب أنه نجس وهو نجس إن شاء الله. Comment? Le madhi, c'est un liquide qui n'est pas épais, qui est au contraire fin, comme de l'eau, on va dire, qui sort après le plaisir sexuel ou l'envie, qui sort après le plaisir sexuel ou l'envie, après la pensée ou après mudaabat zawja, après le fait que la personne il ait eu des comment ça s'appelle, il se soit rapproché de sa femme, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça, ce liquide là, deux choses. Le premier, il est najis, il est impur, c'est-à-dire il faut le laver. Lorsque ça sort, il faut que la personne il lave son organe, comme on va le voir, et qu'il lave même son vêtement si ça tombe dessus. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend juste de l'eau et il asperge son vêtement, comme on dit l'élément. Le dalil de ce que je viens de dire, عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء أخرجاه ولمسلم يغسل ذكره ويتوضأ. Ali ibn Abi Talib a dit, radiyallahu anhu, j'étais un homme qui avait beaucoup de mazi. Beaucoup de mazi, c'est-à-dire ce liquide, il sortait beaucoup. Ça arrive à certaines personnes, tout simplement, qui en ont beaucoup. Ça arrive généralement aux jeunes, surtout aux jeunes pas mariés. C'est comme ça, c'est les hormones, ou je sais pas quoi. Elle m'a dit. Donc, Ali, ça a été arrivé. Il dit, mais j'ai eu honte de demander le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il est marié avec sa fille. D'accord? Donc il a eu honte. Donc il a envoyé un autre compagnon qui s'appelle Al-Miqdad ibn al-Aswad. Il l'a envoyé, il lui a dit, demande-lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fihi al-wudu. Il faut faire al-wudu. C'est-à-dire, ça rend pas obligatoire le ghusl. Ne confondez pas. D'accord? Et dans une version, ça c'est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim, et dans une version de Muslim, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Il quoi? Il lave son sexe et il refait al-wudu. Et quant au fait que c'est najis, certains ulama, impurs, certains ulama, c'est-à-dire qu'impur, ça signifie quoi? Najis, yajib ghasluhu. Hein, il est obligatoire de le laver. C'est ça que ça veut dire l'impureté. Yajib ijtinabu. Qala al-Shawkani wa ittafaqa al-ulama'u 'ala anna al-madhy najisun fi nahy al-awtar, mujallad al-awwal, safha 63. Al-Shawkani l'a dit, les ulama sont unanimes pour dire que le madhy est impur. Il est impur. La deuxième chose qui rend obligatoire, al-ghusl iltiqa al-khitanayn. Ibn Qudama l'a dit dans le Kafi, c'est dans l'Udda Shar al-Umda, wa huwa taghyib al-hashafati fi al-farj yujib al-ghusl wa in 'ariya 'an al-inzal. Il dit, c'est quoi le fait que les deux, littéralement, ce qui est utilisé, l'expression qui est utilisée dans un hadith, le fait que les deux circoncisions se rassemblent, la circoncision de l'homme et la circoncision de la femme, ça veut dire quoi? La pénétration, clairement. Dès qu'il y a pénétration, même s'il n'y a pas éjaculation, c'est comme ça qu'on dit, la personne doit faire le ghusl. D'accord? La preuve, c'est le hadith, il y a de nombreux hadiths. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. Ce dalil est clair, selon Abu Huraira, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si l'homme littéralement s'assoit entre ces quatre branches, c'est-à-dire lorsque la personne il a un rapport avec sa femme, c'est-à-dire qu'il y a littéralement pénétration, il devient obligatoire de faire le ghusl. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et dans une version de Muslim de l'imam Ahmed, que le prophète il a dit wa illam yunzil, même s'il n'a pas d'éjaculation. قال النووي وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشفة في الفرج وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا في نيل الأوطار نقلا عن الأوطار مجلد الأول صفحة 39 و200. النووي l'a dit, et il y a eu unanimité de l'obligation du ghusl, hein, du bain rituel, lorsque il y a pénétration, إذا غابت الحشفة في الفرج, lorsque là le bout du sexe de l'homme rentre dans le sexe de la femme. Et il y avait divergence entre certains compagnons, puis l'ijma est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu l'ijma sur la question. Ça veut dire, Allahu a'lam, soit le dalil est parvenu à certains compagnons, d'accord? En tout cas, il n'y a pas de divergence sur cette question-là, à notre époque. Il n'y a personne qui dit non, je sais pas quoi, je refais pas le rousli, il n'y a pas eu éjaculation, quoi que ce soit. C'est Alisson. Troisième, بِنْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ, lorsque les menstrues ou les loquies prennent fin. Et de nombreux ulama ont cité l'ijma' sur cette question-là, mais en aucun sens il n'y a pas de divergence. Comme dit Ibn Qudama dans al-Mughni, voilà khilaf fi wujub al-ghusl bil hayd wa an-nifas. Il n'y a pas de divergence dans le fait qu'il est obligatoire de faire le ghusl en état de menstru, en état de liquide, c'est-à-dire lorsque ça prend fin. D'accord? Quatrièmement, rabi'an, on l'a vu juste en détail maintenant. Quatrièmement, wa bil ihtilam ma'a wujudi balal. Donc le rêve sexuel avec présence de d'humidité. Le dalil, le premier dalil, on l'a cité en fait, c'est le hadith de Umm Salama et de Umm Sulaym. Oui, si elle voit de l'eau ou du liquide littéralement. Est-ce que la femme doit faire le ghusl si jamais elle a un rêve sexuel? فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث عن البخاري ومسلم دوم سليم. ولا دجا. العلماء يزون دي كما يدي ابن قدامة رحمه الله dans le كافي على page 41 يدي رحمه الله فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض. يدي première مسألة. Si la personne il a une maladie qui fait que son sperme y sort sans sensation sexuelle, d'accord, ça arrive, c'est des maladies comme ça, là c'est pas une obligation de faire le roussi, pas une obligation de faire le roussi. Aïe. Deuxième question, fa in kharaja minhu shay'un wa lam yadri amaniyun huwa aw ghayruhu fi yaqadatin fala ghusla fi. Na'am, li'anna al-maniy al-mujib al-ghusl يخرج دفقا بالشهوة فلا يشتبه بغيره. Si jamais la personne, il y a un liquide qui sort comme ça et il est réveillé, vous êtes avec moi, la personne, il y a un liquide qui sort, il est réveillé, c'est pas ce que c'est, il sait pas si c'est du sperme ou autre chose, d'accord, s'il est réveillé il ne fait pas le ghusl. Pourquoi? Parce que le sperme quand il sort il y a une sensation forte, d'accord, on ne peut pas le confondre avec autre chose que cela. Deuxième cas, فإن كان في نوم وكان نومه عقيب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي. Dit, si jamais il a un liquide qui sort, il a un liquide qui sort pendant son sommeil, et qu'avant de dormir, par exemple, il a eu une shahwa, une envie, par exemple, en jouant avec ses gens, avec son épouse, ou même en pensant à ce genre de choses, d'accord? Ça, c'est du mavi. C'est le mavi. C'est-à-dire un liquide qui rend pas obligatoire le roussi. Mais qui rend obligatoire quoi? Le boudon et le fait de laver le vêtement. Attention. Il dit parce que ça, c'est la cause du mavi. Le mavi, c'est ça, en fait. C'est l'envie sexuelle ou même le fait d'y penser ou quoi que ce soit qui fait sortir ce liquide. Mais on fait la différence, normalement, entre ça et entre el mani, qui est le sperme. Non. Tout ça, c'est dans le Kafi, chez Fiqh, l'imam Ahmad, à la page 41 de l'édition Dar ibn Hazm. C'est bon? Taïb. Khamisan wa bil mawti. La cinquième chose, la mort. Par le Shawkani, amma wujubuhu bil mawti fal murad wujubu zalika ala l'ahya'i. Iz la wujuba ba'd al mawti min al wajibat al muta'alliqati bil badan. Ay yajibu ala l'ahya'i yagsilu man mata. Wa qad hukiya. قد حكى المهدي في البحر والنووي الإجماع على وجوب غسل الميت غسل الميت في الضرار المضية شرح الضرار البهية. الشوكاني dit, quand nous disons que il est obligatoire de laver ou que le ghusl devient obligatoire par la mort, nous voulons dire qu'il est une obligation pour les vivants de laver les morts, car il n'y a pas d'obligation pour les morts, mais il est une obligation pour les vivants de laver celui qui est mort. Et cela a été rapporté comme ijma' par Al-Mahdi dans le Bahr et par Al-Nawawi dans ses livres. Et ça, c'est dans son livre Darar al-Mudiyya, Sharh Darar al-Bahiyya, à la page, Sharh Darar al-Bahiyya, à la page 38. Sadisan wa bil Islam. Sixième, Al-Islam. Lorsque la personne y rentre dans l'Islam. Qal ibn Qudama, fil Mughni, المجلد الأول قال وجملته أن الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل أو لم يوجد وهذا مذهب مالك وأبي ثور وابن المنذر. Ibn Qudama, il a dit, le mécréant, lorsqu'il rentre dans l'islam, le kafir, le mécréant, lorsqu'il rentre dans l'islam, il est une obligation pour lui de faire le ghusl, de faire un bain rituel. D'accord? Qu'il soit un mécréant de base, c'est-à-dire juif, chrétien, bouddhiste, ou murtad, ou un apostat. C'est-à-dire, une personne qui revient à l'islam après son apostasie, par exemple, il délaisse la salat, hein, ou il devient laïque, ou il adore les tombes, que sais-je. Hein, ça, on l'explique dans les annulations de l'islam. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Irtasala qabla islamihi, ou lam yirtasil. Il doit faire le ghusl. Qu'il ait fait le ghusl avant de rentrer dans l'islam ou qu'il ne l'ait pas fait. D'accord? Qu'il ait fait pendant sa mécréance quelque chose qui rend obligatoire le ghusl ou qu'il ne l'ait pas fait. C'est-à-dire, il n'a pas eu de rapport ou des choses comme ça. D'accord? Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, et de Abu Thawr, et de Ibn al-Mundhir. Donc, c'est l'avis de l'imam Malik, et c'est un des avis dans le madhab de l'imam Ahmed. Donc, ça, c'est dans le Mourni, le volume 1, la page 170. Le hadith, c'est le hadith, an Qais ibn Asim, ou le dalil, c'est le hadith, an Qais ibn Asim, annahu aslama, fa amarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, a yagtasila bima'in wa sidr, rawahu khamsatu, illa ibn Majah. Qais ibn Asim, il est rentré dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire le ghusl avec de l'eau et du sidr. D'accord. Ça, c'est rapporté par Al-Khamsa, c'est-à-dire par Abu Dawud al-Tirmidhi, Al-Sunan. La plupart des ulama voient Al-Istihbab, qu'il est très conseillé de se laver, mais que ce n'est pas une obligation. Ici, Al-Shawkani démontre que ce hadith, il vaut l'obligation. Et c'est un des avis dans le madhab de l'imam Ahmed. Pourquoi ? Fa'amarahu al-Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a ordonné de faire le ghusl. والامر يدل على الوجوب الا يصرفه الا يصرفه صارف الاوردر implique l'obligation religieuse. Son prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre dans un hadith, ça implique l'obligation religieuse. Arkan al-ghusl, les piliers du ghusl, c'est-à-dire le pilier, on l'a vu, الركن ما لا صح الا به وهو داخل الشيء. Le pilier, c'est quoi? C'est une chose. Si tu le délaisses, l'acte, il est batel. Il est nul, invalide. Ils sont au nombre de deux. Ici, les piliers du ghusl. Qala ibn Qudama, wal wajib fi an-niyya wa ta'mim badanihi bil ghusl ou bil ghasl ma'a al-madmatati wal istinshaq. Les piliers du ghusl sont deux. Le premier, an-niyya, l'intention. On le sait ça, on l'a vu dans le wudu. Et ça, c'est toujours le même dalil, le même hadith. Le premier hadith qui est dans Arba'in Nawawiyya, le premier hadith qui est dans Sahih al-Bukhari, le premier hadith qui est dans de nombreux livres. Innama al-a'malu bin niyyat, wa innama li kulli imri'in ma nawa. Donc le premier pilier, c'est an-niyya, l'intention. On a déjà parlé pour le wudu. On commence pas ici. Le deuxième pilier, ta'mim badanihi bil ghasli ma'a al madmatati wal istinshaq. Le fait de faire passer l'eau sur le corps entier. Sur tout le corps avec al madmata wal istinshaq, en faisant rentrer l'eau dans la bouche et dans le nez. D'accord? Ça, c'est les deux piliers du ghusl. C'est-à-dire, s'il manque un des deux piliers, le ghusl de la personne, il est batel. Il reste en état de janaba. Ou la femme en état de règle, etc., etc. Certains ulama ont dit que il y a deux questions ici. La première chose, lorsqu'on fait al-ghasl, lorsqu'on lave le corps, d'accord, est-ce qu'il est une obligation de passer la main, tu vois, de passer la main sur le corps en même temps? Certains ont dit que c'était pas une obligation, que c'était mieux. Certains ont dit que c'était une obligation. Parmi eux, l'imam Malik, rahimahullah. Parmi eux, Shawkani, rahimahullah. Donc le mieux, c'est de le faire. Et c'est proche de l'obligation. Il dit à Shawkani, wal ghusl al wajib huwa yufid al ma'a ala jami' badanihi aw yamghamis fihi ma'a al madmadati wal istinshaq wad dalk lima yumkinu dalkuh. Il dit lui, Shawkani, dans Durar Bahia, le bain obligatoire, c'est de faire passer l'eau sur tout le corps sans exception, ou de se tremper dans de l'eau avec al madmada wal istinshaq et le delk. Le delk, c'est passer la main. D'accord? C'est passer la main. Il dit وقد يقع النزاع في دخول الدلك في مسمى الغسل ولكن لا يخفى أن مجرد بل الثوب والبدن من دون الدلك لا يسمى غسلا كما يفهم ذلك من استعمالات العربية. Il dit quelque chose de fort, Shawkan, il dit comme quoi, lorsque tu trempes, tu prends un habit par exemple, tu dis je vais le laver, d'accord? Et que tu le trempes dans l'eau comme ça, tu considères ça comme laver? Non, jusqu'à ce que tu le frottes. Jusqu'à ce que tu le frottes, ou que tu le mets à la, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il dit que, par ce dalil aqli, par cette preuve rationnelle, le ghusl, c'est de passer l'eau, c'est pas simplement de faire couler l'eau dessus, et de passer l'eau, et de passer la main avec l'eau. Ça, c'est dans son livre, Ad-Dur al-Bahiyya, à la page 39. Ça, c'est le minimum, on va dire, sifatul ijza, c'est ce qu'ils appellent sifatul ijza, al-ulama, parmi Ibn Qudama, dans l'Umda et dans le Kafi, c'est quoi? C'est le minimum obligatoire du ghusl. Et après, il y a sifat al-kamal, c'est-à-dire la manière de faire le ghusl qui est sunna, en accord avec la sunna. Et le mieux, c'est de faire cette chose-là. Le mieux, c'est de faire cette chose-là. Il y a deux manières. Ils ont été rapportés de Maymouna, radiyallahu anha, qui a dit, قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه أخرجه البخاري ومسلم. Ce hadith il est rapporté par Al-Bukhari numéro 274 et Muslim 317, Maymouna elle rapporte, elle dit, j'ai caché le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait le ghusl. Il dit, il a fait le ghusl de l'janaba, de l'impureté majeure. Qu'est-ce qu'il a fait? Fabada'a farasala yade. Il a d'abord lavé ses deux mains. Thumma sabba biyaminihi ala shimali. Ensuite, il a fait, mis de l'eau de sa main droite vers sa main gauche. Il a versé de l'eau sur sa main gauche. Farasala farja. Il s'est lavé le sexe ou les parties. D'accord? Wa ma asaba. Et ce qu'il a touché, c'est-à-dire de liquide, etc., etc. ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. Ensuite, il a tapé sa main sur le mur ou sur la terre. C'est-à-dire comme pour la nettoyer, d'accord? Comme on ferait nous, mettant du savon, par exemple, d'accord? ثم توضأ وضوءه للصلاة. Ensuite, il a fait le wudu. Comment on fait le wudu pour la salat? Ensuite, il a mis de l'eau sur son corps, sur tout son corps. ثم تنحى فغسل رجليه. Ensuite, il s'est poussé, il s'est mis ailleurs et il a lavé ses pieds. Il avait ses deux pieds. Ça, c'est la première manière de faire le ghusl. Elle est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Une deuxième rapportée par Al-Bukhari et Muslim, cette fois de sa femme Aïcha, radiyallahu anha. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم فاض على سائر جسده ثم غسل رجليه أخرجاه يعني البخاري ومسلم. عائشة rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il se faisait le bain rituel ghusl de l'janaba, il commençait en lavant ses mains. Ensuite, il prenait l'eau avec la main droite et la mettait sur sa main gauche. Il lavait ses parties. Ensuite, il faisait le wudu comme il faisait le wudu dans la salat. Ensuite, il prenait de l'eau, et il faisait rentrer ses doigts à la base de ses cheveux, parce qu'il avait les cheveux longs. Ensuite, quand il voyait que c'était bon, qu'il avait bien lavé sa tête, il mettait trois fois, il versait de l'eau trois fois sur sa tête, d'accord? Et ensuite, il mettait de l'eau sur le reste de son corps, et ensuite, il lavait ses pieds, à la fin, d'accord? Ici, faites attention, c'est trois fois sur la tête et c'est qu'une fois sur le corps. Et qu'une fois sur le corps. Allez. Ensuite, il dit, Ibn Qudama, dans Amdat al-Fiqh, il dit, وَلَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ وَلَا يَجِبُ نَقْضُ الشَّعْرِ فِي غُسْلٍ إِذَا رَوَى أُصُولَهُ. Et il n'est pas une obligation de défaire les cheveux, c'est-à-dire pour les gens qui ont des tresses. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les gens faisaient des tresses, les hommes. Ils avaient les cheveux longs, ils faisaient des tresses. À notre époque, c'est plus souvent les femmes. L'essentiel. Il n'est pas une obligation de défaire les tresses si l'eau a atteint la racine des cheveux. L'eau a atteint la racine des cheveux. On va voir que ça, c'est dans Al-Janaba. Le ghusl de Al-Janaba. غسل de l'impureté majeure. Donc dans le haid, c'est un peu différent. La preuve que dans le janaba, la femme n'a pas à défaire ses tresses, c'est le hadith suivant. An ummi salamata qalat, qultu ya rasulallah, inni mra'atun ashiddu dhafar ra'si, afa anquduhu li ghusl al janaba. قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين رواه الجماعة إلا البخاري إلا البخاري يعني رواه مسلم فحديثنا صحيح مسلم رحمه الله أم سلامة دي أم سجد الله Je suis une femme qui fait des tresses. Est-ce que je défais ces tresses pour me laver de l'janaba? Le Prophète lui a dit non. Il suffit que tu fasses couler sur ta tête trois fois ou trois poignées d'eau, d'accord, et que l'eau atteigne la tête, et ainsi tu seras purifié. Ce hadith il est rapporté par Sahih Muslim, d'accord. Et un autre hadith. Donc ça, on dit que ce hadith-là, s'il était seul, on dirait la femme ne défait pas ses tresses, ni pendant le janaba, l'impureté majeure, ni pendant le haïd. On a un deuxième hadith, an Urwa, an Aisha radiallahu anha, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala laha wa kanat ha'ida, unqudi sha'raki, wa ghtasili, rawahu ibn Majah, bisnadin sahih, comme a dit le Majd, ibn Taymiyyah, fi muntaqa al-akhbar. Urwa rapporte de Aisha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, alors qu'elle était en état de menstrue, défais tes cheveux et fais le ghusl. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah, et il est sahih, comme l'a dit le grand-père d'Ibn Taymiyyah, Al-Majd, Abu Barakat, dans son livre, Muntaqa al-Akhbar. Ibn Qudama a dit à ce propos, dans le Mughni, وَتَنْقُدُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا لِغُسْلِهَا مِنَ الْحَيْدِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَقْدُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا أَرْوَتْ أُصُولَهُ نَصَّ عَلَى هَذَا أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ قال مهنا سألت أحمى عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة فقال لا فقلت له فأي شيء قال نعم حديث من سلمة قلت فتنقض شعرها من الحيض قال نعم قلت له وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من الجنابة فقال حديث أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه إسانسير بن خدامة إلى دي رحمه الله إلى غصم لأدخل إلى الحديث سي لافي دو الإمام أحمد كما دماندي سون إليف مهنا. Il a rassemblé entre les deux hadiths en disant que la femme doit défaire ses cheveux, c'est-à-dire ses tresses, lorsqu'elle se lave de l'haïd, et qu'elle ne doit pas le faire si elle se lave de l'janaba. Et ça, c'est Mimbab, ça c'est dans le Mourni, le volume à la page 293. Wahada Mimbab et Taïsir. C'est que la religion, elle est venue avec la facilité. D'accord? Al-janaba, s'il faut, la femme, elle va être tous les jours en état de janaba. D'accord? Ça peut arriver. Alors que le haïd, ça arrive combien de fois? Une fois par mois maximum. El nifas, ça arrive quoi? Loki, c'est après un accouchement. Ça arrive rarement. Ouais, d'accord? Donc, c'est mimbab du fait que le haïd, comme ça arrive une fois par mois, là, il faut qu'elle défasse ses tresses. Ça demande pas beaucoup. Alors que pour le janaba, ça peut arriver très souvent. Là, elle a pas besoin de défaire ses tresses. Wallah. Taïb. Ensuite, il dit, وابن قدامة رحمه الله دعمة الفقه وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما ce qu'on disait tout à l'heure. Lorsque la personne fait l'intention de se purifier des deux purifications, c'est-à-dire mineure et majeure, il est purifié des deux purifications. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que lui il fait le ghusl pour enlever al-janaba, la purification majeure, mais il fait le ghusl aussi pour pouvoir faire la salat après. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son ghusl, comme on a cité, et ensuite il fait la salat directement. Il ne refait pas le wudu après. Il ne refait pas le wudu après. De toute façon, il a fait le wudu pendant son ghusl. D'accord? À part, le seul cas, c'est si jamais il ne fait pas attention et qu'il annule son wudu entre la fin du ghusl et la salat. Là, effectivement, il doit refaire le wudu après. On est d'accord avec ça? Et on finit, Inch'Allah, sur deux questions. La première, on l'a pas citée au début parce que c'est pas cité par les ulama dans leur livre. Mas'ala, wujub, ghuslul jumu'ati. La première, l'obligation du ghusl pour le jumu'a. La prière du vendredi. Ali ibn Umar, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل رواه الجماعة ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. Ibn Omar rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie, lorsque l'un d'entre vous vient au Jumu'ah, qu'il fasse le ghusl. C'est rapporté par Al-Jama'a, c'est-à-dire par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasai ibn Majah et l'Imam Ahmed. Et dans le Sahih de Muslim particulièrement, il y a une autre version où il dit, si l'un d'entre vous veut aller au Jumu'ah, qu'il fasse le ghusl. Dans le premier c'est Ja'a, s'il va, et dans le deuxième c'est Iza Arada, s'il veut aller. Pas une grande différence. Le deuxième hadith, wa Nabi Sa'id, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qal, ghusl yawm al-jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. C'est clair là dans ce hadith, le ghusl du jour du Jumu'ah est une obligation pour toute personne puberte, pour toute muhtalim. Wassiwaku wa yamassa min al-tibi ma yaqdiru alayhi. Et il doit utiliser le siwak. Et il doit se parfumer s'il en a la capacité. Tafakun Ali, hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslimun. On dit bien l'obligation du ghusl. On a cité les preuves de la sunna, car là, une grande majorité de ulama considèrent que le ghusl, le jour du Jumu'ah, n'est pas une obligation, qu'il est juste très recommandé. D'accord? Ces hadiths, ils impliquent bien l'obligation. Ghusl yawm al-Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. D'accord. Et dans le premier, il fallait agtasil. L'amr yadul ala l'oujoub. Et là, في الثاني, استعمل لفظ الوجوب. Dans le premier, il a dit qu'il fasse le ghusl. Il a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le deuxième, wajiboun. Qu'il a dit, c'est une obligation. Et c'est l'avis de sahaba. On prend la compréhension de ces hadiths des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Comme l'a dit Ibn Hazm, rahimahullah, dans le Muhalla, il dit, وَمِمَّنْ قَالَ بِوْجُوبِ فَرْدِ الْغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَمْ يُخَالِفُوا فِيهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِي وَسَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَمْرُ بْنُ سُلَيْمٍ وَعَطَاءٌ وَكَعْبُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بْنُ رَافِعٍ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ فأما عمر فإنه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة وقد قال عثمان ما هو إلا أن سمعت الأذان الأول فتوضأت وخرجت فقال له عمر والله لقد علمت ما هو بالوضوء والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. Un jour عثمان رضي الله عنه il est arrivé en retard au Jumu'ah. C'était Omar qui faisait la khutbah. Il a interpellé du haut du minbar. Et il lui a dit t'arrives à cette heure-ci? Il lui a dit, oui, j'ai entendu l'adhan, j'ai fait le wudu, je suis venu. Et Omar lui dit, et en plus, t'as fait le wudu? Et tu savais pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné le ghusl? D'accord? C'est la preuve que pour Omar, ici, il y avait l'obligation de le ghusl. Pour lui, c'était établi comme quoi le Jumu'ah, c'était l'obligation de le ghusl. Cet avis est rapporté de nombreux sahaba, l'obligation. Comme il dit, Abu Huraira, radiallahu anhu, et je cite toujours, Ibn Hazm dans son livre, comme il dit Abu Huraira, il dit, لله على كل مسلم يغتسل من كل سبعة أيام يوما فيغسل كل شيء منه ويمس طيبا إن كان لأهله والغسل يوم الجمعة واجب كغسل الجنابة. Abu Huraira, il a dit, رضي الله عنه, il est une obligation envers Allah pour tout musulman qui se lave un jour dans la semaine au moins, d'accord, qu'il se lave, qu'il lave tout son corps et qu'il touche du parfum. D'accord, qu'il se mette du parfum, parce que si c'est touché, qu'il se mette du parfum. Et il dit, et le ghusl, le jour du vendredi, est une obligation comme le ghusl de la janaba. C'est-à-dire la parole d'Abu Huraira est claire. Et si la personne dit oui, mais l'imam un tel, le alim un tel, le sheikh un tel, parmi les ulama, des grands ulama, parmi les salafs, ils disent pas que c'est une obligation. Et nous ici, on parle pas de n'importe quel ulama, on parle des sahaba du prophète, d'accord, ceux qui ont appris le din avec lui. Et ici, il nous faut prendre la compréhension des sahaba. Ici, la compréhension des sahaba, fahm sahaba, fahm salaf, elle est claire comme quoi ils voyaient l'obligation. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il a dit, ma kuntu ara musliman yada'u al-ghusla yawm al-jumu'ah. Subhanallah. Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit quoi? Je ne voyais pas, je n'imagine pas un musulman qui délaisse le ghusl le jour du jumu'ah. Et à d'autres, paroles du sahaba qui sont citées par Ibn Hazm, et il conclut en disant ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة. Ça, ça suffirait normalement pour établir un ijma, mais il ne l'a pas dit. Il dit, nous ne connaissons pas un compagnon qui n'ait pas dit que le ghusl, le jour du vendredi, n'est pas une obligation. Il n'y en a aucun. Et tout ça, c'est dans le Muhalla, le volume 1, la page 256. Et on conclut sur la question, Mas'ala, istihbab al-ghusl al-aidain. Il est très recommandé de faire le ghusl le jour des deux Eid, c'est-à-dire Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit à ce propos, قال ابن القيم, وكان يغتسل للعيدين, صح الحديث فيه, وفيه حديثان ضعيفان, حديث ابن عباس من رواية جبارة ابن مغلس, وحديث الفاكه ابن سعد من رواية يوسف بن خالد السمتي. ولكن ثبت عن ابن عمر من شدة مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه في زاد المعاد, زاد المعاد المجلد الأول. ابن القيم رحمه الله il a dit et le prophète صلى الله عليه وسلم faisait le ghusl pour les deux عيد avant d'aller à la prière des deux عيد. Un hadith a été est authentique sur cela. Et il y a aussi deux hadiths ضعيف et il les cite. Il cite qui les a rapportés, le hadith d'Ibn Abbas et le hadith de Fakih ibn Sa'd. Il dit, ensuite il dit, mais il est établi que Ibn Omar, et il était très attaché au suivi de la sunna, faisait le ghusl le jour de l'Eid avant d'aller à la prière. Avant d'aller à la prière. Donc ça suffit pour établir al-sunni et al-istihbab. Ça c'est dans Zad al-Ma'ad, le volume 1, la page 426. أقول قولي هذا والله أعلم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أستغفر الله الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.